en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre émission, votre magazine d'intérêt ludique. Bienvenue à CKIA FM 88.3 à Québec. C'est votre humble serviteur, Mickaël Michaud, au micro, accompagné du célébrissime, du très pratique et roux, Andrew Castegan. Bonjour, Monsieur Mike. Ça va bien, Monsieur Castegan? Toujours, toujours. Prêt pour une autre émission chargée? Toujours. Excellent. Donc, on vous rappelle en même temps que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pourrez trouver nos anciennes émissions, des capsules audio, des podcasts qu'on a fait. Il y a des nouvelles aussi à l'occasion qu'on met sur le site. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Allez aussi sur Facebook, on a une page, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous retrouver sans problème. On vous rappelle aussi qu'il y a un site pour CKIA FM, donc le www.CKIAFM.org, où vous pouvez acheter vos cartes de membres, mesdames et messieurs, pour encourager une station libre à Québec, station communautaire, un micro libre, de la musique différente, des propos différents. Ça vaut la peine, et aussi encourager en même temps votre émission d'intérêt ludique préférée, Puissance Maximale. Eh bien, cette émission, on va la commencer en musique, comme d'habitude, avec une chanson. Écoutez, c'est François Gécouillard, notre grand Manitou ici à Puissance Maximale, qui me l'a fait découvrir. C'est un groupe qui s'appelle Zed et ses disciples, qui font du rock folk. Ils sont originaires d'Alma, ici au Québec, et ils ont fait une petite chanson bien sympathique sur l'émission Puissance Maximale. On les salue d'ailleurs, salut la gang de Zed et ses disciples. Merci pour cette belle chanson-là sur Puissance Maximale. On était, moi bien drôle, on l'avait jamais entendu. Ça date de l'année dernière, je pense. Et écoutez, on a été touchés, écoutez, par cette belle chanson. Alors, on vous envoie ça sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec, lors de Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Capitaine interstellaire, viking du nord, pirate du sud, choisis ton jeu, choisis ton camp. Sois prêt à te battre sur le champ. Deviens axe ou allié. Fais un blocus à ton ennemi. C'est le combat pour ta survie. Les dés sont lancés. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Il faut savoir prendre le risque, apprendre de ses échecs, respecter les dames. Comme des aventuriers du rail, ils veulent construire leur arsenal. Que tu sois de San Juan, de Carcassonne ou de Cuba, c'est la guerre, c'est la junta, et le meilleur de nous vaincra. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson, Puissance Maximale par Z et ses disciples. On les remercie encore d'avoir fait une si sympathique chanson pour notre émission. On est super contents. Merci encore. Et avec tout l'excitement du début, là, j'ai même pas introduit les sujets de l'émission d'aujourd'hui. On va vous parler évidemment de nouvelles ludiques, mais Andrew Castegan va commencer par une superbe critique sur le jeu Terra Online. C'est un MMORPG. Oui, exactement. La première des choses, je tiens juste à vous dire, je suis un gars qui n'aime pas les MMORPG. Je vous l'annonce tout de suite et je vais vous critiquer un MMORPG. Donc, il faut pas s'attendre à grand-chose de ta part, Andrew. C'est ce que tu nous dis. C'est surprenant. Ouais, mais c'est ça. Moi, je te connais. Je sais que t'es pas un fan et t'avais l'air quand même assez obsédé par le jeu. Tu m'as envoyé des vidéos, puis ça a l'air assez impressionnant. On se retrouve dans un univers médiéval fantasy, là, un classique du MMO. Là. Oui, ben en fait, Terra, juste pour dire, tiens, pour The Exiled Realm of Arbora. Donc, j'aime mieux dire Terra. Mais en fait, c'est un jeu qui se situe dans un univers dark fantasy. Dans le fond, on retrouvera pas des technologies à la Final Fantasy ou encore des guns ou des choses comme ça. On va vraiment retrouver le type classique fantasy, arc, flèche, épée. On va aussi pas jouer dans des univers hautement technologiques. On va jouer dans un univers médiéval, donc cheval, monture, on n'aura pas de voiture. Mais je vous dirais, quand même assez particulier, on se retrouve à jouer dans le monde dans un monde, dans le fond, qui... En fait, je vous dirais que ça m'a fait penser un peu à Inception comme concept. En fait, c'est un monde qui n'existe pas. C'est deux géants, là, dans leur sommeil, qui ont créé ce monde-là, un rêve. Dans le fond, il y a un géant homme, un géant femme. Il spécifie pas lequel est le bon et le mauvais, mais il y en a un qui rêve d'un monde merveilleux et fantastique, où tout le monde vit en paix. Et ce monde-là, dans le fond, fait en sorte que que toutes les mortels dans le fond sont créés, donc les races qu'on va jouer, et on a l'autre déesse que elle ou Dieu qui rêve dans le fond de tout ce qui est mal, la tristesse, un peu comme un cauchemar dans le fond, et ces deux mondes là ont clashé ensemble, et on retrouve les deux îles principales qui sont chacun le géant en sommeil et l'île centrale qui est où est-ce que tout se passe. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le monde a été créé, il y a eu des héros qui ont été soulevés pour protéger les mortels, et ces héros-là n'existent plus, et les mortels doivent se battre contre les démons pour empêcher que les géants aient peur dans leurs rêves et se réveillent, et le monde soit détruit. Voyez un peu On est dans deux rêves qui s'affrontent pour finalement qui crée ce monde-là. Mais là, est-ce qu'on va jouer des races qu'on connaît, elfes, nains, humains, ou c'est des races qui s'apparentent à ça, ou c'est carrément autre chose? Non, ben en fait, on va retrouver l'humain, qui est la classe qu'on retrouve dans pas mal tous les jeux fantasy. Mais on va retrouver en fait cette race. On va voir les humains, on va voir les elfes, qui sont dans le fond les deux races balancées. C'est un peu les races qui font tout. Ils peuvent être autant guerriers qu'archers, que mages ou quoi que ce soit. Et il y a les autres races qui sont plus spécialisées. Nous avons les Aman, qui sont les draconiques, dans le fond les genres d'hommes dragons, qu'eux autres ils vont être plus du style tank. Beaucoup de points de vie, beaucoup de force, mais pas très magique. Dans le fond, ils sont faits pour encaisser. Un peu, si on veut faire un parallèle avec un jeu de rôle, c'est un peu comme le demi-orc. OK. Après ça, on a les Baraka, qui sont les descendants des géants. Étonnamment, je m'attendais à que ça soit eux autres, un peu les tanks, mais eux autres, c'est plus la race intelligente. Donc, eux autres vont plus jouer les Scholars, les Prêtres. Donc, une race très, très magique, faite, dans le fond, pour les buffs et le heal. On va retrouver les Castaniques, eux autres, c'est les démons. Dans le fond, c'est une race de démons qui se sont libérés de l'emprise du dieu et d'Ashu, maléfique, pour se rallier aux mortels. Eux sont plus agilité, sournois, bataille sale, donc ils vont plus jouer un style de combat un peu voleur, rogue, backstab et tout le kit. Par contre, il n'y a pas la classe rogue, mais ils font des fighters plus actifs. Du combat sale, là, du dirty fighting comme on les aime. Après ça, il y a les Aliens, qui sont dans le fond un mélange entre des animaux et des humains. C'est comme un peu des fées, ils les présentent comme ça. Je vous dirais, c'est la race qui m'a mis un peu perplexe au jeu au début, parce que ce jeu-là a fait une petite controverse, parce que ça vient de la Corée. Puis les Asiatiques, généralement, ont tendance à mettre beaucoup la jambe féminine très sexy et des armures fantasy dans le monde. Avec un décolleté, des choses impossibles à se battre. C'est avec ça, des armures pas très efficaces, mais qui marchent, là. Mais ça cause ce race-là, c'est des filles qui sont en bas de 18 ans, puis t'sais, c'est un peu... Bref, ça a été censuré pour la version américaine, mais la version coréenne, c'est autre chose. Mais les autres, dans le fond, c'est vraiment, encore une fois, de la magie, mais moins de points de vie, plus illusion. Donc, t'sais, un peu comme du détournement, là, t'sais, au lieu du spell offensif ou du buff, là, comme les Baraka. Après ça, il y a les Popuri, qui sont comme un peu des Tanuki. Ils sont l'équivalent, dans le fond, des Lins. Dans le fond, on peut dire que les Lins et les Popuri, c'est comme mâle-femelle, parce que les Lins, il y a uniquement des femelles. OK. Donc, tu sais, c'est la même affaire, c'est équivalent. Donc, tu sais, on retrouve toutes ces races-là, dans le fond, qui se battent contre démons, morts-vivants et compagnie. Est-ce que c'est un peu comme, disons, dans World of Warcraft ou dans d'autres MMO, on peut choisir un camp, on est des méchants ou des bons, ou on combat tous... Non, on combat tous vers le même objectif. La seule chose, c'est que... Oui, on est tous dans le même groupe, mais il peut y avoir des bandits dans le groupe. Fait que à cause de ce jeu-là, chose à savoir, contrairement à bien des MMORPG, parce que je parle d'un MMORPG, mais c'est pas ça en fait. Même eux, Terra, ont pas fait un marketing en disant « on est un MMORPG ». Ils ont dit « on est un MMO, on est un jeu en ligne ». Parce que c'est pas un style de jeu classique, t'sais. On fait pas juste cliquer sur l'ennemi et dire va le tuer comme dans WoW ou quoi que ce soit. Lui, il faut vraiment être actif. Un peu comme dans les beat'em all, t'sais. On a comme Dynasty Warrior et compagnie. Si l'ennemi nous touche, on a les dégâts. S'il nous touche pas, on a pas les dégâts. Fait qu'il faut tout le temps bouger, faut tout le temps être en constante évolution. C'est un système de combat plus dynamique un peu. Exactement. Que dans les MMO standard, là. Si on maîtrise bien notre personnage, on peut battre un monstre level 20 alors qu'on est level 2. On le fait dans le tutoriel, là, t'sais. Puis, je suis mort 4 fois, là. Et il pardonne pas le tutoriel en passant. Mais pour les classes, est-ce qu'on a quelque chose de semblable? On a le combattant, le magicien, le healer. Est-ce que ça va être quelque chose qui va sortir? Est-ce qu'on va voir autre chose ou c'est assez basique à ce niveau-là? Ben, c'est assez basique. En fait, les classes, toutes les races ont les même classe. C'est juste que ce qui arrive, c'est que dépendamment de la combinaison race-classe, on va avoir un penchant plus vers un style. Comme je disais, les castaniques sont plus du style rugged style. Fait que si on prend un voleur, dans le fond, là, si on mélange les castaniques avec les warriors, ben, t'sais, on n'aura pas un guerrier standard avec bouclier qui se bat. Là. Ça va être deux épées, va sauter partout, puis être très agile versus le géant. T'sais, le géant, lui, il va jouer d'un guerrier bien standard qui sautera pas partout. Là. Mais au niveau des classes, c'est pas très très compliqué. On retrouve les archers qui sont dans le fond la tangente guerrier à distance. C'est la classe, une des classes les moins difficiles à jouer. Fait que t'sais, si vous voulez vous initier au jeu, c'est pas compliqué. Vous prenez soit un guerrier, soit un archer. Si vous voulez jouer en close, c'est le guerrier. Si vous voulez jouer à distance, c'est l'archer. Donc c'est comme un peu leur tangente. Après ça, on retrouve le berserker et le lancer, qui sont les tanks. C'est deux variantes de tanks. C'est que le berserker, lui, est en mêlée au niveau de beaucoup de dégâts. C'est que quand il se bat contre un ennemi, il deal beaucoup de dégâts à un ennemi. Et tandis que le lancer, lui, ben, il a plus tendance à bloquer, puis il fait des dommages à plusieurs unités. Donc c'est son avantage, mais il en fait moins que le berserker. Les autres, par exemple, le berserker a pas beaucoup de points de vie, le lancer a beaucoup de points de vie. Donc tu sais, ça dépend de la façon qu'on veut jouer. Dans le fond, le berserker va plus servir à détourner l'attention des monstres tandis que les autres vont les attaquer, tandis que le tank, lui, est juste, le lancer est juste là pour encaisser les coups. Là. C'est pas bien compliqué. Sinon, après ça, il y a le Mystic et le Priest. Mystic, dans le fond, lui, il fait plus les sorts offensifs. Tandis que le prêtre, il va faire les buffs et le heal. La guérison. Après ça, vous avez le chasseur, qui est, dans le fond, la classe mélangée de l'archer et du guerrier. T'es quand on devient être meilleur, dans le fond, dans ces classes-là, on peut prendre une classe plus évoluée. Il y a quand même une évolution dans les classes. On reste pas toujours guerrier, puis... Ben, il faut se recréer. Quand on choisit guerrier, on reste du début à la fin avec le guerrier. Le chasseur, c'est quelque chose qu'on peut prendre au début, quand on crée. C'est juste parce que, tu sais, quand, je vous dirais, ça, quand on fait le tutoriel, on voit tout de suite si on a une certaine affinité avec la classe. Fait que, tu sais, avant qu'on se rende trop loin, on peut essayer toutes les classes. Tu sais, comme moi, je m'en suis créé plusieurs personnages, justement, pour voir la classe avec laquelle j'avais la plus d'affinité, là. Mais pourquoi, là, tu me racontes les personnages, les classes, c'est assez quand même assez classique. Qu'est-ce qui fait que le jeu est différent? Je veux dire, on va se battre, on va aller chercher des quests. Est-ce qu'on a une... Je pense que tu m'avais dit qu'on avait une incidence sur le monde. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que les créateurs de Terra ont consulté un des... En fait, ont pris pour modèle un jeu en ligne qui s'appelle EVE Online, que l'évolution du jeu et les événements qui se passent à l'intérieur, c'est des impacts directs de qu'est-ce que les joueurs ont fait en jouant. T'sais, mettons exemple qu'il y a une grosse guerre qui a éclaté entre deux clans de joueurs, ben ça va avoir un impact, une répercussion sur l'évolution du monde, les territoires vont changer, des choses comme ça. EVE Online se sont un peu inspirés de ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est comme je disais, tous les joueurs sont dans le même clan. Tous les joueurs se battent pour éviter, dans le fond, que les DS se réveillent. Par contre, qu'est-ce qui est bien, c'est que ce jeu-là, vous pouvez jouer en PvE, t'es qu'il n'y a pas de player contre player, des fois, on a joueur contre joueur, mais c'est un jeu qui a été conçu vraiment pour le joueur contre joueur. Parce que, dans le fond, pour m'expliquer, quand vous commencez le jeu, vous êtes dans une zone sans PvP. Donc, vous faites que l'histoire pour vous mettre en lieu, dans les circonstances du jeu, voir où est-ce que les éléments s'en vont. Et ça, c'est fait, en fait, pour vous guider jusqu'au level 11. Quand vous arrivez au level 11, il vous lâche dans le monde. Vous pouvez aller dans les capitales des différentes races, vous pouvez retourner sur l'île du centre, vous pouvez vraiment aller où vous voulez. Vous avez vraiment énormément de secteurs. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez décider de devenir un renégat, dans le fond, pour dire que vous voulez foutre la merde un peu partout dans le monde, donc attaquer des villages, des genres de choses comme ça, vraiment avoir un impact négatif sur le monde. Et ça fait en sorte que vous avez un bounty qui vous se met sous votre tête. Donc, plus longtemps que vous faites de dégâts, plus que votre tête va valoir cher. Donc ça va attirer les autres joueurs qui n'ont pas décidé de se nommer renégat et qui vont essayer de vous chasser pour avoir le montant qui est rattaché à votre tête. Mais tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'il y a des zones qui vont être avantagés, d'autres qui vont être désavantagés. Et ça va avoir un impact direct sur l'évolution de l'histoire, d'après qu'est-ce que Terra, la compagnie coréenne, dont le nom nous échappe présentement. Dans le fond, que la compagnie coréenne a dit, c'est que ça va avoir un impact vraiment direct sur l'évolution du jeu. Et dans le fond, ils ont dit, ils veulent pas faire comme les autres MMO où ils mettent une circonstance et vous allez demander à quelqu'un puis il vous dit allez tuer 42 chats dans le champ là. Les autres, ils disent au début on vous guide, on vous dit d'aller faire ça pour simplement vous puissiez monter de niveau. Après ça, on vous lâche lousse puis vous faites qu'est-ce que vous voulez. Les PNJ vont vous donner des missions, des choses comme ça. C'est à vous de les faire. Si vous décidez de vraiment jouer PVP, puis de chasser les bounties, mettre la merde dans le pays, des choses comme ça, c'est à votre discrétion. Vous pouvez jouer des deux façons. Et tout ça va avoir un impact sur l'évolution du monde. Donc un peu plus de liberté, quand même un contenu quand même assez classique côté MMO, mais avec un contexte différent, plus de liberté. En terminant, Andrew, qu'est-ce que tu peux dire côté visuel? Parce qu'on sait qu'habituellement les MMO, côté visuel, des fois ça laisse un peu à désirer. Il y a le dernier Star Wars qui est quand même intéressant là. Mais côté visuel, on s'attaque à très cartoon, plus réaliste entre guillemets là. Mais quelque chose de plus réaliste ou Ben en fait, je vous dirais, c'est surprenant. C'est un jeu qui a été fait avec le moteur graphique de Unreal. Donc on parle quand même de le dernier Unreal Engine dans le fond qui ont sorti. Je pense que c'est le 3, le dernier qui ont sorti. Mais tout ça pour dire que le jeu est quand même très très beau. Quand j'ai été surpris chez nous, je l'ai joué avec la qualité graphique maximale et vraiment le jeu est épatant. Les loadings se font vraiment très vite et je vous dirais le loading du monde, dans le fond, le chargement du monde quand vous marchez, ça se fait instantanément. On voit vraiment là que la compagnie a des serveurs vraiment très puissants en arrière pour pousser ça. Faut dire en même temps que le jeu il est sorti un an en Corée, fait qu'ils ont eu le temps de bien roder le jeu là. Mais je vous dirais très très joli. Puis je songe sérieusement à probablement me prendre un abonnement parce que j'ai essayé dans le fond une période d'essai de 15 jours, donc j'en ai profité pour le roder en masse. Puis je vous dirais, je suis pas un gars qui aime les MMO, mais ce jeu-là m'a particulièrement intéressé parce que son mode de combat est vraiment dynamique, il est beau, l'histoire est intéressante, il lève libre cours à l'imagination puis aux décisions des joueurs. Je trouve que c'est une belle réussite puis ça fait vraiment changement dans l'univers des MMO qu'on a actuellement. Je dirais que c'est un bon vent de frais puis j'espère qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont s'inspirer de ce mode de MMO-là pour nous offrir une plus grande variété encore. Excellent. Mais je te remercie, Andrew, pour cette excellente critique du jeu Terra Online. Vous pouvez aller chercher ça sur Google pour vous informer et peut-être même vous abonner parce qu'il y a, si je me rappelle bien, Andrew, il y a des frais mensuels. Oui, 14,99 par mois. C'est dans la moyenne, dans le fond, des MMO actuellement. Mais je vous dirais, pour le prix, le jeu, il est vraiment intéressant, là. Donc, pour les amateurs de MMO qui veulent regarder ça, vous avez le frais mensuel de 14,95 et allez chercher ça sur les internets. Et on continue en musique avec une chanson du groupe The Lonely Island qui, avec Justin Timberlake, est une chanson où vous allez voir avec une autre chanson plus tard. On va être dans le thème sexuel cette semaine avec la chanson Dick in a Box avec The Lonely Island. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Hey girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen. Girl, you know we've been together such a long, long time. Such a long time. And now I'm ready to lay it on the line. Wow, you know it's Christmas and my heart is open wide. Open wide. Gonna give you something so you know what's on my mind. What's on my mind? A gift real special, so take off the top. Take a look inside, it's my dick in a box. It's in a box. Gonna get you a diamond ring. That sort of gift don't mean anything. Not gonna get you a fancy car. Girl, you gotta know you're my shining star. Not gonna get you a house in the hills. A girl like you needs something real. Wanna get you something from the heart. Something special, girl. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. See, I'm wise enough to know when a gift needs giving, and I got just the one. Something to show you that you are second to none. Yeah, yeah, yeah. So guys out there with ladies to impress. It's easy to do, just follow these steps. One, cut a hole in a box. Two, put your junk in that box. Three, make her open the box. And that's the way you do it. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. Christmas. Dick in a box. Hanukkah. Dick in a box. Kwanzaa. A dick in a box. Every single holiday, a dick in a box. Over at your parents' house, a dick in a box. Midday at the grocery store, a dick in a box. Backstage at the CMAs, a dick in a box. Yeah, wow, wow, wow, wow, wow. My dick in a box. My dick in a box. My dick in a box. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson du groupe The Lonely Island qui fait et bien évidemment du hip-hop à saveur humoristique avec Justin Timberlake pour Dick in a Box. Et on continue en nouvelles ludiques avec quelques petites nouvelles sur le jeu Elder Scrolls Online qu'on a annoncé là. Qui a été annoncé, pas nous, là, mais qui a été annoncé sur les internets la semaine dernière. Et quelques détails, écoutez, pas grand-chose. On nous confirme que ça va être un jeu en troisième personne uniquement. On tenterait, d'après ce qu'on a pu voir sur internet, là, de fusionner un peu les styles de combat, système de combat à la MMO RPG. Et aussi le style de combat du traditionnel un peu de la série Elder Scrolls. Je suis un peu curieux par rapport à ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, première déception. Pourquoi vous avez pas gardé le même gameplay? Pourquoi? Ouais, mais c'est ça, les gens. En tout cas, moi personnellement, je m'attendais beaucoup à ce qu'on puisse avoir le même gameplay. On reste dans le même univers. Mais là, on nous parle en plus de graphiques plus cartoon un peu. Ben, plus cartoon, je me dis. On a déjà vu des graphiques cel-shading qui avaient de l'allure. Non, mais c'est parce qu'on peut-tu rester... Si on décide de faire un jeu dans l'univers de Elder Scrolls, pourquoi ne pas le garder comme c'est supposé être? T'sais, on nous parle même d'un truc qui ressemblait un peu à Kingdom of Amalur. On est dans un beat comme ça là, ces temps-ci, mais on veut y mettre un peu cette sauce-là, là, rajouter ça à Elder Scrolls. Moi, je suis un peu déçu de ces nouvelles-là. Et on a aussi le hotbar là, qu'on a dans toutes les MMO. Pis... Bref, pour le moment, ça s'annonce pas vraiment comme révolutionnaire, ça s'annonce pas vraiment comme étant très immersif comme les autres jeux d'Elder Scrolls. Donc Bethesda, s'il vous plaît, forcez-vous. On était tout emballé la semaine dernière, mais là je suis un peu déçu. Bethesda, what are you doing? La question est lancée. Autre nouvelle, monsieur Andrew Castigan. Oui, en fait, je vais peut-être briser les rêves de bien des gens. BioShock Infinite serait repoussé. Jeu qui avait été annoncé l'année passée, si je ne me trompe pas. Ou trop, c'était 2011-2010, je pense qu'il avait annoncé, mais bref. Jeu qui était prévu pour le mois d'octobre 2012 serait serait reporté au 26 février 2013. C'était un des jeux qui était les plus attendus. Quatre mois plus tard, quand même. Oui, et qu'est-ce qui fait l'insatisfaction de bien des gens, c'est que Take-Two aurait reporté le jeu pour devancer BioShock Vita, qui était comme dans le fond un remix du premier BioShock pour la console portable de Sony. Donc légère déception parce que BioShock a quand même de l'âge là, fait qu'on puis qui n'a pas joué BioShock? Moi. À part Mike. Personne dans le studio lève la main, donc on est deux. Mais bref, légère déception. Moi aussi, je suis déçu. J'espérais pouvoir essayer ce jeu-là cette année, mais il va falloir prendre notre mal en patience. Et voilà, merci Andrew. Et une autre nouvelle pour les amateurs de real-time strategy game, donc de jeux de stratégie en temps réel, avec la venue du jeu Company of Heroes 2 qui s'en vient sur vos ordinateurs. Et je Je pense qu'il n'y avait pas d'autres consoles annoncées. C'est la compagnie, entre autres, THQ, qui est sur le projet. C'est une ancienne licence. Ça fait quand même un petit bout. Je pense que le premier est sorti. Je ne suis pas un fan de cette série-là, donc je ne pourrais pas vous dire exactement la dernière fois que c'est le premier titre, quand est-ce qu'il est sorti. Mais on nous parle d'une sortie pour 2013 pour ce jeu-là. Et on se retrouve sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme un... Donc, on y va avec, justement, on est encore dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale avec ce jeu-là. Et on va jouer finalement les Russes sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on va user, évidemment, de stratégie pour combattre les méchants nazis. Donc, évidemment, là, pour les fans de... la plupart des gens à qui j'en ai parlé m'ont dit que effectivement pour les fans de jeux de stratégie en temps réel, Company of Heroes, c'est un bon choix. Et surtout avec le 2 qui s'en vient, là, ça va être à surveiller. Fait par THQ et Relic Entertainment. Excellent jeu, mais difficile, je vous avertis. En tout cas, moi, personnellement, j'adore les jeux de stratégie en temps réel, mais je suis pas très bon. Habituellement, j'ai toujours... on dirait que je suis pas assez vite sur le piton là, pour réagir. J'aime ça prendre mon temps dans ces jeux-là. Et malheureusement, c'est pas toujours gagnant. Permets-moi de te répondre... avec « C'est pour ça que tu cheats ». Eh oui, parce que tout le monde sait que je suis un tricheur invétéré. J'ai même fait des chroniques sur la triche dans les jeux à cette même émission. On continue avec une autre nouvelle, M. Castegan. Oui, en fait, une rumeur. En fait, ça fait très très longtemps que cette rumeur-là circule. Ubisoft, là, plusieurs années, avait sorti un jeu, excellent jeu d'ailleurs, qui s'appelait Beyond Good and Evil. Un jeu où on jouait une reporter qui devait soulever un scandale de propagande avec une société, une invasion alien. Bref, un excellent jeu. Je vous conseille de l'essayer. Il a été remixé en HD d'ailleurs sur les consoles récentes. Et il n'est pas cher. Et depuis le début des consoles de nouvelle génération, il y a eu une rumeur parce que le jeu numéro 1 n'avait pas très bien... À une base de fans solide, mais commercialement, ça n'avait pas super bien marché. Ouais, puis en plus, ça a été un des jeux qui a été beaucoup piraté, puis tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, Beyond Good and Evil 2, beaucoup de personnes le veulent, mais il n'y a rien d'officiel. Et là, depuis le début de l'année, Ubisoft et le créateur de cette franchise-là font un peu leurs agaces. Il y a des vidéos qui sortent, des images, puis tu sais, ils disent jamais... Oui, c'est une vraie image ou non, c'est pas un vrai trailer. Ils vont pas démentir, mais ils vont pas confirmer non plus. Exactement. Et là, il y aurait encore eu des images cette semaine qui seraient sorties, qui concorderaient avec des vidéos qui a été montrées de Beyond Good and Evil. Et là, tout le monde commence à capoter. Et là, Ubisoft se tient vraiment très très silencieux. Et il y aurait des rumeurs comme de quoi que peut-être Beyond Good and Evil sera annoncé cette année au E3. Donc ça s'en vient, le E3. On est à moins d'un mois, donc, du E3. Mais Ubisoft sont partis sur un allure là, de sortir vraiment des vieilles franchises. C'était juste regarder Rayman Origins. Ça faisait longtemps que le monde voulait avoir un Rayman old school. Puis ils ont fait vraiment un succès. Là. Je l'ai essayé sur la Wii. OK, bon, je l'ai pas essayé sur les autres consoles, mais sur la Wii. Et il est très bon. C'est vraiment un Rayman old school, comme le monde voulait depuis très, très longtemps. Fait que je serais pas surpris qu'Ubisoft sorte Beyond Good and Evil de leur manche, et depuis le temps qu'il sera en développement, parce que si le premier trailer officiel qu'ils ont sorti de Beyond Good and Evil est le début du développement, mesdames et messieurs, il y a de l'argent d'investi, fait que préparez-vous. On espère que ça va sortir, en tout cas pour les fans, et si ça sort, que ça va être de qualité, bien évidemment. On le souhaite à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui veulent jouer à cette suite. Et une dernière nouvelle avant de retourner en musique, la pré-vente de Black Ops 2, donc Call of Duty Black Ops 2, serait 10 fois plus importante que Modern Warfare 3, donc à la sortie. Déjà qu'on sait déjà que le jeu Call of Duty Modern Warfare 3 a vraiment fait des records au niveau des ventes. En fait, ce serait le jeu qui se serait le vendu le plus rapidement dans l'histoire du jeu vidéo. Mais là, Black Ops 2 qui a été annoncé, on rappelle, Black Ops 2, ça va se passer dans un futur pas très lointain, où dans, si vous écoutez la bande-annonce du jeu, on nous parle de véhicules automatisés, mais qu'est-ce que ça fait quand l'ennemi a la clé? Puis là, il y a plein d'explosions partout. Fait que là, évidemment, futuriste, on parle encore de jeu à la première personne, de tir à la première personne, mais on dirait que les fans de la série ont répondu grandement parce qu'ils nous... On nous parle déjà que si ça continue comme ça, les préventes de ce jeu-là, ben ça va briser le record de Modern Warfare 3, qui était déjà assez impressionnant. Donc, On nous dit même que c'est ça, la première journée, là, c'était 10 fois plus important des ventes. Là, donc, c'est encourageant, malgré que, comme je suis d'accord avec plusieurs experts, entre guillemets, et critiques de jeux sur Internet, je pense que la série Call of Duty devrait prendre un break, parce que moi, je trouve que ça tourne, commence à tourner en rond depuis un petit bout. Moi, c'est des bons jeux de tir à la première personne, mais... Moi, vous le savez, j'aime quand même le multiplayer, mais j'aime ça quand je peux jouer tout seul à mon jeu. Et présentement, les jeux Call of Duty, ceux avec quand même une trame, une histoire et tout, mais le quand on veut jouer seul, c'est pas très intéressant, c'est pas très long, l'histoire est pas tout à fait là, le scénario est plus ou moins intéressant. Mais faudrait peut-être qu'il y ait un break à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'il faudrait juste qu'ils ralentissent les fréquences de sortie, parce que là, je pense qu'on est rendu à 4 en 2 ans. T'es Modern Warfare 2, là, ça fait pas si longtemps que ça qui est sorti, là. Non, c'est ça. Après, Black Ops 1, ça fait pas si longtemps que ça qui est sorti non plus. On a eu Modern Warfare 3, puis après ça, on a lui, là. Donc, bref, pour les fans, écoutez, si vous aimez, peu importe le jeu qui sort, vous aimez Call of Duty, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour vous. Puis c'est surtout une bonne nouvelle pour ceux qui sortent Call of Duty pour Activision, parce que des grosses ventes, donc... Et Treyarch, qui est la compagnie qui fait Black Ops. Donc, félicitations. Écoutez, mais ce serait peut-être le temps de prendre un petit break pour nous offrir quelque chose de nouveau. Bref. Donc, on continue en musique avec notre ami Brent Alfloss, dont le nouveau CD, et en tout cas, nous, on attend impatiemment, on a fait nos précommandes pour le CD. Il est dans la poste, il s'en vient. Ah, excellent, donc j'ai hâte de l'avoir, mais en attendant, on va vous faire écouter une chanson qu'il avait mise sur Internet, qu'on a pu remixer là pour l'émission. Ça s'appelle STDs, Gonna Catch Them All, donc une parodie de la chanson thème de Pokémon, et STDs, en français, ça veut dire MTS. Donc, voilà, ça reste dans le thème de l'autre chanson d'avant, et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. I wanna get chlamydia like no one's ever had. Herpes inside my butt and every kind of crab. Strangers, July to June, spreading my baby cream. I'm gonna set a record soon. It's always been my dream. STDs, gotta catch 'em all. Across the map, I'll give it the seed the clap. Oh, so come on down and take a tour through Skatey Town. STDs, yeah, like HPV, hepatitis. Comes back in space, Tokyo to Prague. I invented Ken syphilates and gave it to your dog. Sorry. Hey, is lupus an STD? In that case, I will pass. Is Ebola an STD? You bet your bloody ass. STDs, gotta catch 'em. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Oh oui, que vous écoutez Puissance Maximale après cette excellente chanson de Brent Alfloss qui n'était pas très, très politiquement correcte, mais c'est pas grave, c'était très drôle. Et on continue avec une autre nouvelle de M. Andrew Castegan. On nous parle de Kingdom Hearts. Oui, en fait, série que j'aime particulièrement, j'en ai parlé souvent à l'émission ici même sur les ondes. Et en fait, comme vous savez, Kingdom Hearts a pris un break un peu des consoles de salon. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il s'est concentré beaucoup plus sur les consoles portables. On a eu le droit à deux ou trois chapitres sur console portable. Et dernièrement, le créateur de cette le créateur de cette série, Tetsuya Nomura, en fait, aurait accordé lors d'une interview le groupe de Game Informer qu'il était temps que Kingdom Hearts débarque sur les consoles de salon. Donc, indirectement, on peut s'attendre à un Kingdom Hearts 3. Ok, c'est permis une rumeur. Tu ne confirmes rien, toi? Tu fais ton agace Kingdom? Ah, je fais l'agace. Mais en fait, ça aurait un certain sens. Parce que Kingdom Hearts 2 a fini sur un... En tant que tel, il peut pas vraiment avoir de suite à Kingdom Hearts 2. Pas dans les circonstances actuelles. Donc là, ils ont été faire les prequels sur les consoles portables. Ils ont été combler des trous avec entre chacun des épisodes. Et là, le dernier qui va sortir, Dream Drop Distance, est comme le petit intermède après le 2 qui ferait la liaison avec Kingdom Hearts 3. Et dans le fond, on le sait, le studio de Kingdom Hearts, en même temps, a été prêté sur un projet qu'on n'a jamais vu les couleurs, qui était Final versus 13. D'accord. C'était le même studio. Donc... est-ce qu'on va voir Final versus 13 avant Kingdom Hearts 3 sorte, ou est-ce qu'on va apprendre que Final versus 13 a été annulé et Kingdom Hearts 3 sort, ou que Final versus 13 serait Kingdom Hearts 3? On ne sait pas. Nous verrons. Mais bref, faut rester attentif. Il y aurait des nouvelles qui s'en viendraient sur ce jeu. Donc, à suivre. À suivre. Autre nouvelle quand même assez intéressante sur, en fait, des fuites de titres pour la Wii U et qui se serait passé chez Blockbuster. En fait, des images sur des, je crois, c'est des écrans d'ordinateur chez Blockbuster où il y aurait des listes de jeux Wii U qui auraient été finalement que... et qui contordent avec la date de sortie présumée de la console. Donc, plusieurs titres intéressants, on va vous les lire parce que nous, à Puissance Maximale, on veut tout vous donner. Donc, quelques titres, ben, en fait, la liste est quand même assez longue, ben, on va vous les lire rapidement. On parle d'à peu près 25 jeux. Ouais, donc, il y a Aliens, Colonial Marines, Assassin's Creed, Batman Arkham City, Darksiders 2, Dirt 3, Formula One All-Stars, Game Party, Ghost Recon Online, Just Dance 4... Je vais dire mes chiffres en français pour les prochains. Je trouve que je me la pète trop au micro. C'est du style. On aime ça. Killer Freaks from Outer Space, Marvel Super Heroes, Metro Last Light, Monsters Party, New Super Mario Brothers, Wii. Non, Mi. Mi? Ah, ben, mauvaise impression sur ma feuille. Donc, Mi. Ninja Gaiden 3 ou Gaiden, tout dépendant de quelle école vous venez pour la prononciation du nom de jeu-là. Pikmin, Rabbids Party Land, Raving Rabbids, Rayman Legends, Shield Pose, Splinter Cell 5, Sports... 6. Ben, pourquoi c'est marqué 5 sur ma liste? J'ai des mauvaises sources. Merci, parce que, Andrew. Parce que 5 est déjà sorti. Ben, j'ai commis un flash. Donc 6, Sports Connection, Tekken, Your Shape 2013 et Zombie. Est-ce que t'as d'autres titres, toi, de ton côté? Non, t'as fait le tour. Donc, plusieurs titres intéressants, surtout pour une console de Nintendo. Donc, écoutez, si ça vous prend juste ça pour vous convaincre, je pense que c'est assez convaincant pour la liste de jeux. Il reste juste à savoir si c'est vrai. Si c'est vrai, et on a longuement parlé dans les dernières émissions, justement, du matériel, là, de la Wii U en tant que telle et des performances. À la date, ça a l'air décevant. Mais écoutez, on n'est pas là pour... On n'est pas là pour juger. On est juste là pour commenter. Pour constater les faits. Mais bref, vous verrez bien. On a hâte de voir ça. Le E3 s'en vient, on le rappelle. Et la Wii U est due pour cette année, pour le temps des fêtes. Donc, j'espère qu'il va y avoir des démos gameplay. Il faut Nintendo mettre de quoi ça à la table. Ça fait... un E3, un Tokyo Game Show qui font leur agace un peu avec la console pour dire « on a une console tout plein hot, mais ils nous disent pas que c'est qu'il y a dedans. » Le E3, c'est big. Ça s'en vient. On va se l'espérer à tous. Nous, fans de jeux vidéo, on a bien hâte de voir ce que cette console va pouvoir faire, autant là, pour les petits accessoires intéressants comme la nouvelle manette et tout, et le multimédia, mais surtout pour la performance de jeu et le gameplay. On a hâte de voir ça. Autre nouvelle, Monsieur Andrew. Oui, ben en fait, sais-tu qu'est-ce qui s'en vient big autre que le E3? Ma fête! Ben oui! À la fin du mois! Non, en fait, on en a parlé la semaine passée. Kickstarter, oui. On a parlé. Avec un titre vraiment intéressant, mesdames et messieurs. Écoutez ça. Oui, je vais le dire avec un annonceur. Carmageddon Reincarnation. Oh oui. Oui, mesdames et messieurs, le studio à l'origine du premier Carmageddon. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est quoi Carmageddon? Jeu de course très violent où on frappait des, entre autres, des vaches, des années, et des piétons. À la fin des années 90, là, les premiers commerces où on pouvait aller jouer en LAN party avec nos amis, c'était un des jeux souvent qui était là. C'était assez violent, c'était décrit d'ailleurs à l'époque. Mais là, ils veulent nous ramener l'original, plus violent, mieux fait, plus beau, grâce à Kickstarter. Exactement. C'est tout nouveau. Le projet a été lancé sur Kickstarter pas plus tard que v'là 2 ou 3 jours. Et en fait, il ne demande pas tant que ça. J'ai été surpris parce que faut pas oublier, la première compagnie de tout, c'est une compagnie britannique. Ils ont sorti le premier jeu, ils ont sorti le deuxième jeu, puis le deuxième jeu a quand même bien marché, puis ça a été acheté par une autre grosse compagnie que je ne me rappelle plus c'est qui. Ils ont gardé ça à l'abandon très longtemps. Ils ont sorti TDR 2000 qui était, ma foi, très mauvais. Puis après ça, d'autres affaires comme ça. Fait que eux ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour réaménager leurs locaux, racheter la franchise. Ils disaient qu'ils avaient dépensé entre 750 et 1 million de dollars déjà de leur poche pour faire le rachat de cette franchise-là. Et présentement, ils demandent l'aide à la communauté de joueurs pour aller chercher le 400 000 dollars qui leur manque pour permettre de sortir le jeu. Et qu'est-ce qui est intéressant avec les projets qui partent sur Kickstarter, c'est oui, ils vous demandent de donner de l'argent, mais ils vous donnent des cadeaux en échange. Et en fait, ça peut aller du dollar qui vous permet d'être dans les special thanks du crédit, ou 15$ pour avoir votre copie du jeu. Pas cher, 15$ là, pour un jeu qui exactement. Vient de sortir. Exactement. Et si vous êtes plusieurs, puis ça vous tente d'avoir 4 jeux payés 100$, et ça vous tente d'être un piéton qui va être écrasé dans le jeu, un don de 1000$ sera nécessaire et vous aurez tous les merveilleux bonnies et cadeaux qu'on vous a parlé. Évidemment, si vous payez plus cher, ben les cadeaux qu'on donne dans les échelles plus basses sont compris là. Et même à 10 000$, ben on vous paye les billets d'avion pour vous emmener pour aller en Angleterre, et là vous allez rencontrer l'équipe. Et qu'est-ce qu'on va faire, Andrew, avec l'équipe? En fait, avec l'équipe, on va créer un nouveau personnage, un background, un véhicule, et il va devenir une partie entière de la mythologie de Carmageddon. Vous allez devenir une célébrité, les gouvernements vont parler de vous, vous allez assister à la déchéance humaine, mais vous allez être vraiment cool, et vous allez avoir... tout ce qui est inclus, et je vous dis, c'est quand même 10 000$. Donc, si vous allez voir l'échelle de 10 000, vous en avez du cadeau. Ouais, donc pour les amateurs de Carmageddon, mais aussi de Kickstarter, écoutez, vous voulez encourager un produit intéressant, allez voir ça. Et en même temps, vous avez 10 000$, allez-y, écoutez. Et si vous avez 20$, n'oubliez pas, c'est kiafm.org pour votre carte de membre. Profitez-en. Exactement. Juste une dernière petite information sur Carmageddon. C'est une nouvelle qui est sortie ce midi, en fait, une mise à jour. Le studio avait à l'origine annoncé que le jeu allait sortir sur PC, PS3 et Xbox 360. Ils ont juste rectifié que s'ils n'atteignent uniquement que le 400 000 $ qu'ils demandent dans les délais, il n'y aurait que la version PC. Donc, si vous voulez la version PS3 et Xbox 360, allez-y, permettez-les d'atteindre le Mais montant. Ça va déjà très bien, je pense. Hein? Pour le Kickstarter, en une journée, ils ont amassé combien? Je pense que c'était 100... Il avait atteint à peu près le quart de qu'est-ce qu'il cherchait en une journée. Puis c'est là pendant combien de temps? Pendant 30 jours. Donc profitez-en, mesdames et messieurs, allez profiter de cette offre pour 15$ pour avoir un jeu qui risque d'être, ma foi, très, très, très divertissant. C'est la compagnie d'origine. Si vous avez aimé le premier, vous allez sûrement adorer celui-là. Et voilà, merci Andrew pour cette excellente nouvelle. Et finalement, une dernière nouvelle rapide sur Diablo 3 qui s'en vient. Écoutez, ne pourra pas jouer rapidement qui veut à ce jeu, parce qu'on a un petit guide de lancement qui a été envoyé par Blizzard sur les internets cette semaine. Et voici ce que vous allez devoir faire, mesdames et messieurs, pour pouvoir jouer à votre Diablo 3 dès sa sortie. Il faut bien évidemment avoir acheté le jeu. Ça, j'espère que vous non. l'aviez bien. En tout cas, si vous voulez jouer en ligne, écoutez, s'il y a des criminels parmi vous, des pirates, de vilaines personnes qui veulent s'approprier le jeu illégalement, ben écoutez, on vous en empêchera pas. Moi je peux pas rien faire, mais bref, on va juste vous demander de tendre la main et faire un méchant. Donc vous allez devoir acheter le jeu, vous créez un battle tag que vous pouvez faire dès maintenant. Après ça, vous allez devoir vérifier là, les événements de lancement de minuit pour ce jeu là il faut vérifier selon votre, évidemment, votre fuseau horaire. Il va bien ça va être seulement accessible aux gens qui ont précommandé le jeu digitalement. Après ça, vous allez pouvoir downloader le client de téléchargement d'installation, mais ça, Blizzard va le débarrer seulement à 8h01 le matin, temps du Pacifique, le 14 mai. Puis en plus, il va sûrement avoir un queue, puis là, il va avoir un temps. Bref, ça sera pas yeah, j'ai mon CD, go, on part. Non, ça va être un peu plus compliqué que ça. Si vous voulez jouer le plus tôt possible à votre Diablo 3 qui s'en vient, on vous le rappelle, la semaine prochaine, avec d'autres jeux comme Game of Thrones aussi le 15 mai. Bref, ça va être une grosse semaine la semaine prochaine pour les gamers. J'ai hâte de voir si les serveurs de Blizzard vont être au rendez-vous. Et on va y aller pour une dernière chanson à cette émission de Puissance Maximale avec les Beastie Boys et la chanson Intergalactic. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Normal amour, et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour des nouvelles en rafale avec Andrew Castegan. On nous parle de perte d'abonnés pour le nouveau jeu de Star Wars. Oui, en fait, lors de leur bilan financier, EA aurait annoncé, malgré qu'on a voulu le cacher, une perte de 400 000 abonnés approximativement. C'est quand même beaucoup, mais oui. C'est pas si pire. Il y avait 1,7 million, ils ont passé à 1,3 million. La plainte majoritairement, c'est que ils ont voulu trop mettre une histoire dans le jeu. Fait qu'une fois que l'histoire est faite, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Fait que là, dans le fond, la compagnie BioWare ont déployé une politique très agressive d'ajout de contenu pour le PVP. OK. Donc si on n'aime pas le PVP, puis on veut jouer tout seul dans notre coin, Encore une fois, ben, on est délaissé puis on se désabonne à Star Wars Old Republic. Je serais pas surpris que les 400 000 abonnés seraient ces gens-là. OK. Fait que Autre nouvelle rapide. Oui, les créateurs de Journey, jeu que j'avais parlé et qui m'avait franchement étonné, dans le fond, la compagnie Dad Game Company vient de tomber sur le marché libre. Dans le fond, ils avaient signé une entente avec Sony d'une exclusivité de 3 jeux et avec Journey, c'était le dernier. À cause, ils ont fait Flow, Flower et Journey. Fait qu'ils viennent de tomber sur le marché libre et il serait très, très courtisé et il y aurait déjà un projet en cours pour cette année. Excellent. Et une dernière nouvelle, Andrew. La dernière nouvelle, on avait déjà parlé de Shadowrun Returns qui avait fait un Kickstarter. Il avait besoin de 400 000 $ pour conclure leur budget. Après 28 heures seulement au début de leur campagne de financement, l'avaient atteint. Ils ont terminé le 1er mai avec un score de 1,8 million de $. Ça fait quand même beaucoup de sous. Au-dessus de 4 fois ce qu'ils avaient demandé. On a hâte de voir ce jeu-là, mesdames et messieurs. Disponible sur PC, Mac, iPhone et Android. Date de sortie, janvier 2013. Oh, qu'on a hâte de voir ça. Félicitations à toute l'équipe. Yes, c'est maintenant la fin de Puissance Maximale. Déjà, et oui, ça passe tellement vite. Et je veux remercier M. Andrew Castegan qui était avec nous cette semaine, comme à l'habitude. Toujours un plaisir. Merci Andrew. Et mon nom, moi, c'est Michael Michaud, votre humble serviteur au micro à l'animation, comme à chaque semaine. Toujours un plaisir. On vous annonce la semaine prochaine une émission spéciale de 2 heures parce qu'on vous aime. Et le retour de Madame Chantal Campagna, alias Fräulein Evil, qui va nous parler de jeux de plateau, de jeux de société et de nouveautés, finalement, grâce à sa compagnie Distribution Dude. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet au www.puissancemaximale.com. Et allez voir sur notre page Facebook. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Après nous, tout de suite après, c'est une émission spéciale de 2 heures également pour La Voix du Libre. Et on vous invite à aller sur le site de ckiafm.org pour aller chercher vos cartes de membres de la station. Je m'appelle Mickaël Michaud et je vous souhaite une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home. Solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we... One, two, three, four, die!